On the Rocks. C'est une émission vraiment pour le peuple. On the Rocks, même à l'envers, On the Rocks, on peut la faire. Rock, pop, folk, radio show depuis 1992. www.onzerocks.net. Ouais! Quelqu'un mettre tout à fond, qu'est-ce que vous faites chier à laisser vos merdes? Qu'est-ce que tu crois que ça va être? Tout à fond! Le rock, c'est tout à fond! Rock and roll. Oh my god, I bet you love it. Wow. On the rocks. Wow. Rock and roll. Oh, j'ai une pêche, les gars. Woo! Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est Manu dans On The Rocks, comme tous les lundis soirs de 19h à 20h30. On est ensemble pour une heure et demie de musique et lorsque j'ai préparé cette émission, je me suis rendu compte que 80% des morceaux que je vais vous passer ce soir sont des morceaux interprétés par des groupes ou des artistes que je ne connaissais même pas la semaine dernière quand j'ai fait l'émission la semaine dernière. Voilà, j'ai découvert tout ça cette semaine et ça va être une émission plutôt enjouée dans le son. On va commencer tout de suite avec le coup de cœur avec un groupe qui nous vient de Seattle, qui existe depuis 2010. C'est le groupe d'un monsieur qui s'appelle Will Toledo. Et comme souvent des groupes un peu comme Hills, il y a un nom de groupe, mais enfin c'est quand même lui qui est derrière essentiellement. Le groupe s'appelle Car Seat Headrest et le morceau, le coup de cœur ce soir, c'est Jetson Mine. Je le prononce sûrement très très mal. C'est pas grave, c'est prononcé, ça y est, c'est fait. C'est un morceau qui dure plus de 10 minutes. Donc pour vous mettre dans l'ambiance directe, un morceau, il y avait la valse à 3 temps de Brel, c'est un morceau à plusieurs temps, vous allez vous en rendre compte. C'est le coup de cœur ce soir dans On The Rocks. Restez bien calés, ça dure 1h30. Promised me a good life if I followed all its wishes. I never missed a prayer and I always did the dishes. What's beautiful is good, but what's that blood along the ridges? What is that for? Tabernacle, tabernacle, tabernacle. Tabernacle. Storms are wide preserved, words unspeakable for ages. It's not a place of honor or a scheme to be commemorated. What's left inside is what's evolved from what we have forsaken. Check the black box. Thank you.

The Rocks, et ce soir ça commence un peu pied au plancher avec d'abord un groupe qui s'appelle Car Seat Headrest, un groupe qui vient de Seattle, et là c'est un groupe qui s'appelle Dear Seattle, mais qui lui vient d'Australie et qui a été formé en 2013, c'était Cut My Hair. C'est une nouveauté, à part une exception près ce soir, ce ne sont que des nouveautés dans The Rocks, et on va continuer, première partie de l'émission, les deux tiers assez énergiques, et puis après ça va se calmer vers la fin, on continue avec Isaac Lewis et son nouveau morceau qui s'appelle Builder Song, c'est dans The Rocks. Send my love to my cousins overseas and my friends who haven't thought of me in ages. And be prepared for the waters at your feet, and your pants are only cuffed for an ankle's worth of fun. Yeah. my body says it's time. Best believe I never leave you second guessing. All we have are the people that we love. So hold your people tight and you'll never be alone. Pas grand chose, mais ils le font bien. Ils viennent de Los Angeles. C'était Fiddler. On s'est déjà diffusé des morceaux de Fiddler dans The Rock. C'est une sorte de punk joyeux qui, voilà, un petit peu à la Green Day. On va dire, c'était New Tattoo. Et puis juste avant, c'était Isaac Lewis avec Builder's Song. On repart de l'autre côté du monde, en Australie, cette fois à Perth, pour être tout à fait exact. Voici encore une nouveauté. C'est un groupe qui s'appelle Pretty Uglies. Et le morceau, c'est Afi Song. À l'instant, c'était les Pretty, alors pas à l'instant tout de suite, mais juste avant, c'était les Pretty Uglies avec Effie Song. Et là, tout de suite, à l'instant, c'était le nouveau morceau de Skeggs. Vous savez que j'ai beaucoup, beaucoup aimé le dernier album de Skeggs. On s'est quasiment diffusé l'intégralité dans The Rocks. Et bien, ils reviennent avec un morceau inédit qui n'est pas sur l'album, qui s'appelle So Excited. C'est ce qu'on vient d'entendre à l'instant. Et ça reste toujours très, très bien. Vous êtes toujours dans The Rocks et nous allons continuer avec un groupe qui s'appelle, qui vient de Londres, mais qui sont expatriés depuis à New York City, donc ils ont traversé l'Atlantique, The Backfires, Turn Off the Light, peut-être qu'ils vont avoir envie de revenir à Londres avec ce qui se passe aux États-Unis. Allez savoir, The Backfires donc dans The Rocks, et c'est encore une nouveauté. Let me feel it, like a ghost when you're gone. Will you send us Polaroids of the farm? I know your heart is reaching out, but I'm freezing. But it feels like you. Là, vous étiez à Nashville à l'instant avec encore une nouveauté, ce Critical Mother of Style. Nashville, mais ça sonnait plutôt très anglais, cette histoire. Et avant, c'était les Backfires avec Turn of the Light. On était à Perth tout à l'heure avec les Pretty Uglies. Et bien, on y retourne en Australie avec The Genies. Toujours une nouveauté. C'est quasiment que des nouveautés ce soir dans The Rocks. Et ce morceau s'appelle Girl Like You. Oui, bon, je sais, c'est pas très. Mais alors, j'ai passé un âge hein, de d'écouter des choses en me disant, là, ouais, mais on va dire, t'écoutes ça. Bah oui. Mais alors, moi, Bryan Adams, j'étais fan quand j'avais 12, 13, 14 ans, vraiment, sa période avant Robin des Bois, vous voyez, c'était plutôt à l'os. Et je retrouve sur certains morceaux certaines émotions que j'éprouvais à cet âge-là. Alors là, bon, c'est pas ce qu'il a fait de mieux, là, mais c'est pas ce qu'il a fait de pire non plus. Make Up Your Mind, c'est son dernier single. Et justement, c'était The Genesis avec Girl Like You. Voilà une grande, belle nouveauté. Et une belle découverte que je ne connaissais pas. Voilà un groupe qui vient de sortir son deuxième album. Le premier est très très bon. Et le deuxième, celui dont est extrait ce morceau, est vraiment pas mal non plus. Ça s'appelle Silver Synthetic. C'est un groupe à la fois country et un peu 60s, ensoleillé. Surtout sur le premier album. Le deuxième est un peu plus mélancolique. Mais le single qui vient de sortir, qui s'appelle You're Gonna Be Happy, est vraiment vraiment super chouette pour entamer le printemps ou l'été ou n'importe quelle saison, dans n'importe quel endroit où vous êtes. Voici donc ce morceau qui s'appelle donc You're Gonna Be Happy et c'est Silver Synthetic. Je vous conseille vraiment de plonger dans les deux albums. Ça, c'est une belle découverte. Shade my day on a summer day. Oula, bah dis donc, quelle coupure. C'était There's a Tuesday, encore une nouveauté dans The Rocks aujourd'hui avec le morceau Margot. Et juste avant, c'était Silver Synthetic, deuxième coup de cœur de l'émission avec You're Gonna Be Happy. Qu'est-ce que je suis en train de vous raconter comme bêtise? Non, c'est bien ça, c'est bien ça. On continue avec Courting et le morceau Namsi. C'est un groupe qui s'est formé en 2018, donc c'est tout frais. Ils nous viennent eux aussi de Liverpool. Décidément, une ville très sympathique, Liverpool, avec beaucoup de groupes sympathiques qui en viennent. Il n'y a pas eu beaucoup de voix féminines depuis le début de l'émission. Eh bien, en voici pour un trio, un groupe 100% féminin. Ils viennent de Madrid, c'était Chigo avec le morceau Arg, Arg avec plein de H à la fin. Et c'était vraiment sympathique. Juste avant, c'était Corching avec Namsi. Je vous conseille de réécouter l'émission Quiz de la semaine dernière, où nous disséquions avec Blutch, Mathieu Malon et Sylvain Trémaux, 4 albums. Et celui qui a remporté le plus grand nombre d'enthousiasme, c'était celui de Freckle, qui n'est autre que le projet de Ty Segall. Et on avait évoqué la semaine dernière, Mathieu Malon avait abondé en mon sens, un nouveau morceau de Ty Segall, alors que le morceau de Freckle est sorti depuis quelques semaines seulement. On n'arrête jamais ce garçon. Le morceau s'appelle Fantastic Tomb. Il est vraiment, vraiment très bien. Et bien, le voici dans The Rocks. C'est une nouveauté. Your troubles, he said. Un groupe, mais que tu te rends compte que tu le diffuses régulièrement dans On The Rock, c'est que franchement, c'est peut-être un groupe pour toi, Perfume Genius. C'est le cas avec It's a Mirror, et justement, c'était Ty Segall tiré de son prochain album, je pense. En tout cas, c'est son dernier single, Fantastic Tambon. Allez, un petit retour en arrière, 2015, cette fois avec une bande originale de série. C'était la bande originale de True Detective. C'était interprété par Lera Lynn, The Only Thing Worth Fighting For. Et bah voilà, je connaissais pas ce morceau, je l'ai découvert cette semaine et je le trouve bien sympathique. Donc le voici dans On The Rock. Waking up is harder than it seems, wandering through these empty rooms of dusty books and quiet dreams. Pictures on the mantel speak your name softly like forgotten tunes just outside the sound of pain. When we lay a pair of feet with tumbled light. C'est pop, mais c'est beau et c'est absolument admirable. Lara Lynn, The Only Things, Victoria Canal, qu'on vient de se passer à l'instant, avec Black Swan. Alors oui, c'est pop, hein, c'est voilà, ça, mais c'est il y a une petite touche quand même, il y a une petite patte et il y a cette espèce de petite virtuosité au piano qui est d'autant plus remarquable que cette chanteuse n'a qu'un bras. Elle est née avec un bras atrophié et elle fait une carrière assez remarquable. Donc voilà, c'est assez bluffant de la voir s'épanouir dans la musique comme ça, surtout au clavier avec un seul bras. C'est assez inédit, je trouve. Victoria Canal, et puis juste avant c'était Lara Lynn avec The Only Things Worth Fighting For. Allez, deux autres morceaux, encore des filles qui ont pris leur revanche décidément sur cette fin d'émission, et c'est tant mieux. Ce sont deux nouveautés. Il y aura Rachel Goodrich juste après, qui est ma petite chouchoute depuis très longtemps dans The Rocks, depuis une vingtaine d'années, avec Dreamland, son dernier morceau. Mais juste avant, ça sera Anna Bates avec Sedona, et c'est comme ça. Here come the clouds as they tumble and cover Sedona. I drive on through onto you into Arizona. Here comes your face at the door of your brand new apartment. You start to cry and I try to keep you lighthearted. Say it hasn't been much and ask, do I love you? logic dissolves. Gone out the window, and we remain unresolved. Rachel Goodrich, l'américaine qui délaisse les petits morceaux ironiques et décalés et savoureux de ses débuts pour des choses là, ces dernières semaines, qui sont des morceaux plus, bah, comme vous l'avez entendu, ça, on se croirait dans un bar à cocktail. C'était Dreamland, mais il y a toujours cette voix qui là ne se cache pas derrière des artifices un petit peu ironiques, et ça fait du bien aussi. Anna Bates juste avant avec Sidona. Ainsi s'achève bientôt cette émission de The Rocks. Il reste, allez, 7 minutes, et les 7 dernières minutes, eh bien, je vais les dédier à Duduche qui écoute, et parce que des amis très chers, on n'en a pas tant que ça. C'est parti, c'était il y a plus de 20 ans. Je vous dis, normalement, si tout va bien, à la semaine prochaine, même heure, même endroit. Ça s'appelle On The Rocks et ça fait 32 ans que ça dure. Yeah. Say that when you're